Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Le spectacle Beethoven, si on le dit à la française, Beethoven, si on le dit à l'anglaise, c'est Frédéric Sontag, notre nouvel invité. Beethoven, troisième pièce d'une trilogie qui a pour titre la trilogie fantôme, avec trois personnages fantomatiques. C'est un cycle qui mène l'enquête sur le concept d'identité et sur la fonction des récits au cours des 20e et 21e siècles. Alors, ceux qui n'ont pas vu les deux premières pièces peuvent être rassurés, car les pièces sont indépendantes les unes des autres, si j'ai bien compris. Frédéric Sontag. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. C'est plus d'ailleurs presque un triptyque qu'une trilogie d'une certaine manière, puisque les pièces sont autonomes. On retrouve à chaque fois simplement un personnage mystérieux qui est au cœur de chaque pièce. C'est le cas ici avec Beethoven. Et à chaque fois, on retrouve un principe ce qu'on pourrait appeler une dramaturgie de l'enquête. On va enquêter sur un personnage, voilà, j'aime bien les personnages énigmatiques, les personnages mystérieux et les personnages qui décident de vivre un peu cachés. Entre mystère et légende, car ce Beethoven, il a existé ? Ah, il a véritablement existé. Beethoven, c'est un des plus grands mystères littéraires du 20e siècle. C'est un auteur qui écrit, pour le situer rapidement, c'est un romancier qui écrit sous ce nom-là, qui est un pseudonyme, ce qui n'est pas son vrai nom. Il écrit entre 1925 et 1940, une quinzaine de romans qui sont des romans populaires, des romans d'aventure à contenu politique ouvertement anarchiste, anticapitaliste, anticolonialiste, antimilitariste. Il va connaître un succès énorme, c'est des best-sellers, des livres qui vont se vendre à des millions d'exemplaires. Un des plus connus, c'est Le Trésor de la Sierra Madre, adapté au cinéma par John Huston. Sauf qu'on ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui se cache derrière ce nom, évidemment. Ce mystère va faire couler beaucoup d'encre, forcément, d'où les rumeurs, d'où les légendes. Oui, avec, je lis, il aurait endossé une trentaine de noms, revendiqué plusieurs nationalités et exercé plusieurs métiers. Alors, comment trouver le vrai du faux ? Alors, on va essayer de démêler le vrai du faux, et puis après, on va ouvertement mêler le vrai et le faux. La légende et la rumeur m'intéressent autant que la vérité. Et dans le cas de Beethoven, c'est de toute façon très difficile de démêler le vrai du faux. Et effectivement, moi, ce qui m'a intéressé chez Traven, alors, on ne sait pas qui il a été, ça c'est le plus grand mystère autour de ce personnage-là, mais pour moi, le vrai mystère, c'est celui que vous avez nommé. C'est-à-dire qu'on sait simplement que la personne qui s'est cachée derrière son nom a endossé au cours de sa vie une trentaine d'identités différentes afin de pouvoir préserver son anonymat. Alors pourquoi ? Pourquoi un individu fait ça ? Comment il le fait aussi, peut-être aussi, mais surtout pourquoi ? Et la pièce va essayer de répondre à cette question, de se poser les raisons, d'essayer de comprendre les raisons qui sont de différentes natures. Ce sont des raisons à la fois politiques, à la fois artistiques et à la fois intimes qui ont fait que cet homme a mené cette étrange vie. Voilà. Cette pièce se situe entre le roman noir, roman d'aventure, le polar, parce que quand on parle de polar, c'est les énigmes, c'est un peu sous cette forme que vous allez nous inviter à découvrir cette pièce. Exactement, c'est une sorte de jeu de piste en fait, à la recherche de Traven, à la recherche d'endresser un portrait qui va être forcément un portrait fragmenté. Et quand on s'intéresse à ce personnage-là, c'est forcément d'abord foisonnant. Comme je l'ai dit, le vrai se mélange au faux, le documentaire à la réalité. Et c'est forcément une sorte de puzzle qu'on essaye de reconstituer. Donc j'ai choisi de raconter plusieurs histoires parce que c'est impossible de ne choisir qu'une d'une certaine manière quand on s'intéresse à Traven. Je propose un jeu de pistes qui met en scène plusieurs histoires qui vont se recouper autour de ce personnage-là et qui nous permettent de traverser aussi l'histoire du XXe siècle. Et ça se présente un peu comme une enquête finalement. Exactement. C'est l'enquête à la fois de certains personnages, parce que dans les différentes histoires que je raconte, il y a par exemple deux journalistes américains qui, dans les années 70 au Mexique, et c'est inspiré de faits réels, vont enquêter sur Traven et essayer de réaliser un documentaire sur lui. Et puis on va retrouver d'autres histoires, d'autres personnages qui vont tous aussi croiser les traces de Beethoven, et petit à petit le spectateur mène l'enquête et essaie de comprendre qui a été ce personnage-là, et petit à petit, à travers un certain nombre de motifs et d'indices, il reconstitue le puzzle. Vous avez choisi un angle particulier, une hypothèse, parce que nombreux sont ceux et celles qui se sont interrogés sur qui était ce Beethoven, ce romancier révolutionnaire. C'est la piste qui est la vôtre? Alors moi j'ai essayé d'explorer le plus de pistes possibles, parce que c'est ce foisonnement qui m'a intéressé. C'est là où les légendes m'ont tout autant intéressé que la vérité. C'est ce foisonnement-là qui m'intéresse. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une direction qui est celle de l'auteur, qui est celle du révolutionnaire, de cet engagement politique qu'il a vécu d'abord en tant que révolutionnaire au moment de la République des Conseils de Bavière, et puis après de cet engagement littéraire qui est aussi un engagement politique, et ce qui permet de traverser la pièce avec un certain nombre de questionnements. Plusieurs destins se croisent autour de multiples identités. 5 périodes sont présentes dans votre pièce. On va traverser le siècle avec ce personnage-là. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que je trouvais que les problématiques de Traven autour de son identité, autour de sa vie et de son œuvre, j'y voyais une sorte de micro-histoire du XXe siècle. Alors voilà ce qu'on propose aussi aux spectateurs, c'est de traverser un peu comme ça l'histoire du XXe siècle. La pièce se passe de 1914 à 2009, donc presque un siècle entier qu'on va traverser à travers différentes histoires. Une histoire qui se passe en 1917, d'abord à New York, puis après au Mexique, puis après on passe aux États-Unis au moment du McCarthyisme, puis on retrouve ces journalistes américains dans les années 60 à Mexico, puis on bascule en France dans les années 90. Et voilà, ces différentes histoires, elles vont toutes se croiser autour de ce personnage-là, et elles vont toutes aussi se croiser autour d'un pays qui est le Mexique, qui est ce pays d'adoption de Traven, qui est au départ un Européen, un Allemand, qui a vécu l'échec de la Révolution à la fin de la Première Guerre mondiale, et qui va s'exiler au Mexique, et qui va retrouver au Mexique des problématiques qui lui sont chères. Alors voilà, c'est aussi toutes les histoires qui se retrouvent dans ce pays qui, c'était André Breton qui disait que c'était le pays le plus surréaliste du monde. Toutes ces destinées personnels vont rencontrer la grande histoire, c'est aussi ça le fil conducteur. Exactement, c'est l'idée de croiser la petite histoire et la grande histoire, de croiser des parcours de vie, des gens qui vivent à ces différentes périodes et de voir le lien qu'ils vont avoir à ce moment-là avec la grande histoire. C'est aussi une sorte d'histoire des idéologies au cours du XXe siècle, évidemment avec les problématiques propres à Traven de l'histoire du capitalisme et de la contestation au capitalisme. C'est ça que propose la pièce. Un spectacle qui nous parle de l'esprit contestataire, de son envol jusqu'à sa chute, et c'est un éternel recommencement finalement. Oui, il y avait cette question de l'héritage des idéologies, de comment on hérite des idéologies et comment l'histoire n'est pas linéaire, comment l'histoire fonctionne par boucles successives. Sur scène, 8 comédiens, 2 musiciens, clavier, guitare, batterie, donc ils sont là, musique physique, j'aime à dire. Oui, pour porter ces différentes histoires, pour nous amener dans les différents univers de ces différentes histoires, les différents univers temporels, les différentes périodes, et puis aussi parce que chaque histoire a sa tonalité propre, et puis 8 comédiens pour incarner une cinquantaine de personnages, parce que c'est une pièce assez épique comme ça, où on va brasser, comme vous l'avez dit, la petite et la grande histoire, et c'est bien, ils sont pas trop pour faire tous ces personnages, ils ont beaucoup à faire. Un décor qui change en un clin d'œil, ai-je lu, ça veut dire qu'on a recours à différentes techniques justement se créer ce passage d'une période à une autre. Alors je me suis beaucoup amusé en tant qu'auteur, et quand le metteur en scène s'est attaqué à la mise en scène, il a dit ok, ça va pas être facile quand même cette histoire, parce qu'on passe effectivement d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, il fallait une extrême fluidité pour composer ces différentes intrigues. Ça va très très vite, j'ai envie de dire que le spectacle est autant dans les coulisses que sur scène, parce que les acteurs passent très vite d'un personnage à l'autre, disons des fois quelques secondes pour changer de costume, et on a des fois l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'ils sont en réalité. Donc il y a eu un gros travail pour imaginer cette fresque-là. La presse a été nombreuse à produire des critiques et voire des éloges. J'en ai choisi une un peu par hasard, quoique pas vraiment par hasard. Celle du Canard enchaîné, qui a toujours un regard précis sur justement les créateurs. Et il est dit la chose suivante, il y a tout pour nous perdre en cours de route, des fausses pistes, des rebondissements, des personnages historiques qui passent en coup de vent. On n'est jamais largué, 8 comédiens qui se donnent à fond, les scènes sont courtes, le rythme endiablé, le montage vertigineux. Ça donne effectivement l'envie d'aller découvrir ce spectacle. Ces critiques de presse, ça soutient fortement la création quand elles sont dans ces propos-là. Ça fait toujours du bien, hein. Quand on se lance dans un projet, c'est toujours un risque, on ne sait jamais exactement ce que ça va donner, hein. Quand on est auteur et metteur en scène, et c'est toujours des paris. Moi je travaille sur des dramaturgies, oui, qui sont effectivement des paris, et on a eu effectivement sur cette pièce-là, c'est peut-être la pièce de la trilogie qui a eu le plus bel accueil, donc on en est très heureux, et puis on est parti pour une grande tournée. Quand je disais entre mystère et légende, on laisse quand même un peu de suspense, de mystère, voire vous ne dévoilez pas tout. Ce qui est intéressant avec Traven, c'est que plus on apprend des choses, plus le mystère grandit. Donc c'est, vous voyez, c'est un puits sans fond. C'est ça qui est fascinant. Donc à la fois on apprend des choses et à la fois le mystère ne cesse jamais. Très bien, je crois que vous nous avez amené une musique justement que vous allez nous présenter à l'occasion de cette émission. Oui, il y a une chanson qui revient régulièrement dans la pièce et qui nous permet de passer d'une époque à une autre à travers ces différentes variations. Et j'avais choisi cette chanson-là. Merci Frédéric Sontag. Le spectacle Beethoven est à découvrir le jeudi 10 janvier à 19h30, le vendredi 11 janvier à 20h30. C'est au Théâtre des Louvrets à Pontoise, à l'affiche de la nouvelle scène nationale. Merci. Beethoven, qui est l'individu qui se cache derrière ce pseudonyme? Partons ensemble pour résoudre le mystère de celui qui fut et demeure encore la plus grande énigme littéraire jusqu'à aujourd'hui. Depuis quelques mois, on raconte que derrière ce nom se cacherait en réalité un groupe de scénaristes communistes. Tu travailles pour le FBI, Zapata? Regarde-moi bien, Zapata, est-ce que tu es une taupe? Plus nous avons d'informations sur lui, plus le mystère s'épaissit. Je me suis dit que si vous vouliez vraiment honorer la mémoire de Traven, vous devriez plutôt vous intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, tout est faux. Je pense que Hal Crowes était Pete Traven. Maintenant, la question est, qui était Hal Crowes ?